veulent tous percer comme les bulles d'air de leur Air Max 90. Tant qu'il y a de la vie, y a de l'espoir, à t'en voir à 80 piges. On se tourne les pouces en grattant les couilles ou la feuille à 4. Un micro, un beat suffisent pour que je passe à l'attaque. J'ai quelques frères qui me soutiennent dans ce bordel, me donnent assez de force pour que je me sente immortel. Allô, brut, j'ai le tel d'un tel, t'as tout intérêt à le call, il a fait grimper tel ou tel daube. Tu rêves, ils t'en vendent même plus, ils te le louent. Ferme ton clapet ou ton foutu bec, je te le cloue. J'rappe depuis l'époque où Dorothée t'a filé ta carte de membre, donc il est temps que je lève l'encre. Hey, viens pas me faire la morale, ce n'est pas le rap qui me donne des thunes, ce n'est pas Fred qui paye mes vacances à Bora Bora. Je le fais par passion, mais je pêche tout quand même, rien ne m'arrêtera. Ah si, peut-être de la castration. Tu, pour trouver l'inspi, tu sniffes ta ligne. Une bonne instru d'alchimiste ainsi que ma bouteille de cristalline me suffisent pour remettre ta carrière en question. Tu parles de rue, t'as jamais vu de barrière en béton. Je trace ma route sans faire de pause pipi. Mon éducation m'empêche d'afficher dans mes clips des causes stupides. Black Brut, ISF, c'est le nom de code, hein. Pas besoin de répéter, tu connais la méthode, hein. Tu connais la méthode, hein. Black Brut, ISF. Écoute, écoute. Hey. Allô, Brut, j'ai le tel d'un tel, t'as tout intérêt à le tel, il a fait grimper tel ou tel deb. Rien à foutre de tel ou tel klebs qui viennent de tel ou tel sexe qui traîne avec le mec à produit tel tape. Allô, Brut, j'ai le tel d'un tel, t'as tout intérêt à le tel, il a fait grimper tel ou tel deb. Rien à foutre de tel ou tel klebs qui viennent de tel ou tel sexe qui traîne avec le mec à produit tel tape. Allô, Brut, j'ai le tel d'un tel, t'as tout intérêt à le tel, il a fait grimper tel ou tel deb. Rien à foutre de tel ou tel klebs qui viennent de tel ou tel sexe qui traîne avec le mec à produit tel tape. Allô, Brut, j'ai le tel.